Alors, on est à Durbuy et on fait un petit tour en voiture avec notre ami X. On va l'appeler X, Monsieur X. Voilà, comme ça, il est tranquille, monsieur, il peut raconter vraiment ce qu'il veut. Et on fait un petit tour alors dans Durbuy. C'est ça, hein, monsieur X? Oui, on va faire le tour de. On va prendre le périphérique de Durbuy, comme ça. Tu vas découvrir la ville. Et donc, nous sommes au-dessus d'elle pour le moment. Donc, on va descendre vers elle. Ok. Bon, c'est pour rire qu'on dit le périphérique, hein, parce que les gens qui connaissent pas Durbuy, c'est, paraît-il, la ville la plus petite du monde. Moi, je ne le croyais pas, en fait. La plus petite de Belgique, d'accord, mais pas du monde, monsieur X. Ça fait 320 habitants, quelque chose comme ça, quand elle portait ce nom, parce que depuis la fusion des communes, évidemment, elle n'est plus la plus petite. Il y en a une autre en Autriche, mais elle n'est pas du tout historique. Voilà, donc nous sommes maintenant, on entre dans la ville, et le bâtiment qui est là est à À gauche. à gauche est à notre propriétaire. Et quoi tu dis? Oui, toujours, il est à notre grand propriétaire qui vient de racheter une grande partie. Et on l'appelle comment celui-là? Monsieur Cook, tout le monde le connaît, c'est aussi lui qui a acheté le Anderlecht, hein, donc Anderlecht. oui, le grand club de football. Donc il a un fleuron du football et un fleuron, la perle touristique qui est Durbuy, bien connue. Et donc ici, on a ses deux hôtels, on a son petit train. Donc il a racheté. Ici à Durbuy, il a racheté. Alors on se fait un petit tour en fait pour montrer à quel point. C'est vrai que c'est de la radio, on ne voit pas, mais comme ça on entend, mais on voit aussi, on crée tout son imaginaire Alors que. ici, après les deux hôtels, le petit train, il a racheté évidemment la tour qui va avec le petit train touristique qui monte au-dessus, ainsi que les maisons qui sont à côté, excepté une où une vieille dame résiste toujours, elle ne veut pas Elle vendre. voulait pas quoi. Elle ne veut pas vendre. Alors sur la place, c'est vrai que ce sont tous des commerçants de l'Eureka indépendant, pour le moment, qui est toujours là. Et voilà, on arrive sur les nouveaux aménagements qui ne sont pas dus à lui, mais à la région wallonne et à la commune, qui sont l'agrandissement des parkings, puisque les touristes continuent d'affluer à Durbuy. Je pense qu'on peut faire des parkings tant qu'on veut, il y en aura toujours plus. Et nous avons devant nous des motos qui essayent de se parquer, parce qu'en fait, les motos avaient un parking pour eux, et ce parking leur a été interdit parce que les motos font trop de bruit, parce qu'elles polluent trop, etc. Donc ils se mettent où ils peuvent. Donc il n'y a plus de parking pour les motos. Non, il n'y a plus de parking pour les C'est motos. qui décide ça? Alors évidemment, c'est l'administration communale, mais est-ce. Longtemps, il y avait sur le parking, sur la place où se trouve l'ancien kiosque de la fanfare, les motos se mettaient là. Donc il y avait parfois une centaine de motos qui faisaient une superbe exposition pour tout le monde, quoi. Mais maintenant, c'est interdit, donc ça emmerde les motards et ça emmerde la qualité des découvertes particulières. Et voilà. Là, j'ai pas compris. Ça emmerde les motards, quoi, qui peuvent plus se mettre. D'habitude, les motards restent d'abord près de leur moto. Et en plus, comme ils ne peuvent plus se parquer, ben, ils ne viennent plus à Durbuy. Ah voilà. Bah, ça arrange peut-être les riverains, ça, non? C'est ce qu'ils voulaient. Mais il n'y a plus de riverains dans le sens que tous les Les riverains, 300, là. ce sont des commerçants. Donc il y a une partie qui, quand même, servait à boire aux motards. Évidemment, on ne sert pas des trappistes aux motards, ce qui roule. Mais c'est aussi des gens qui revenaient après. Donc c'est toute une catégorie sociale, très diversifiée en plus, qui simplement est interdite de visite à Durbuy. Donc ça paraît paradoxal. Et ce qui paraît paradoxal, c'est que quand on fait un plan d'aménagement de la ville, qui n'a rien à voir avec M. Cook, ça n'a jamais été pensé. Et donc c'est aberrant, puisque les motos existent, qu'on ne pense pas qu'elles puissent être aussi des touristes. Alors la deuxième chose, c'est qu'on les avait mis de l'autre côté de l'ourthe, Les motos? les motos, on avait le parking pour elles, mais les motards ne vont pas se mettre de l'autre côté de la rivière, passer. D'habitude, ils gardent leur moto à vue, et puis ils doivent enlever leur casque et tout ça. Et donc ils pouvaient venir les chercher avant 7 h du soir. Leur moto. Ah oui, parce que s'ils venaient Sinon ça après, fermait. oui, Il y avait un grillage, quoi. non, non, non, ça ne fermait pas. Et donc, ils pouvaient revenir rechercher leurs vestes et tous ces trucs-là au parc des Taupières, qui est un peu plus loin, mais le lendemain matin, parce que le parc ferme aussi. Ah ben voilà, c'est ça que je dis, oui, il y avait quand même... C'est fou, ça, mais c'est pas gardé, c'est pas gardé. Et donc, c'est relativement aberrant, ça n'a pas de logique, c'est fait en vitesse. Et donc, voilà, alors maintenant, on se dit, on va leur en faire un quelque part, mais de nouveau, quand on fait un plan d'aménagement d'une ville touristique qui dans le projet Wallon, il y a 5 villes qui allaient recevoir beaucoup d'argent pour faire quelque chose d'exceptionnel de ces villes, c'est assez aberrant qu'on n'ait pas pensé au mobilhome, au bus, à autre chose que la voiture. Quoi, voilà. Alors ici, c'est d'autres aménagements nouveaux qui ont été faits devant l'anticlinal. Comment tu as dit ? Un anticlinal, donc c'est des roches qui sont en arc de cercle, comme un arc-en-ciel, et qui sortent de terre, et qui est un des plus grands, et même des... Comment ? Ça vaut la peine qu'on explique ce que c'est. Donc c'est la dernière secousse quand les Alpes sont sorties de terre, qui a produit cette région, et donc c'est toutes des bandes de calcaire qui sont en arc de cercle vers le haut et en arc de cercle inversé vers le bas. Voilà. Mais... Ça donne moi qui n'y connais rien, ça donne des belles falaises comme ça, de la roche, quoi. Et en plus, c'est assez unique d'en voir un de cette ampleur-là, naturellement devant soi, à 10 mètres. Mais maintenant, les gens viennent, mais ce qui les intéresse surtout, c'est le jet d'eau qui est devant. Donc, alors qu'on pourrait parler de l'histoire géologique de Dourby, qui a été construite par la bagarre entre la pierre et l'eau. Et c'est ça qui a donné cet aspect particulier. Mais ça, on va y revenir après, ça, de rentrer vraiment dans l'historique du village de Dourby. L'idée, c'était aussi de faire un petit tour et de montrer à quel point ce monsieur Cook s'est approprié complètement la ville, quoi. Alors, nous allons aller voir... Ici, c'est pas lui, voilà. Il y a l'église et le château. Donc le château appartient toujours au comte d'Ursel, à qui appartenait Dourby précédemment. Donc il a quand même acheté le petit train, quoi. Ah là, le petit train, oui. Mais donc j'imagine que le petit train était à quelqu'un, et que ce quelqu'un a dit, ok, je vous vends mon petit train, du coup, c'est ça, la logique. Ah oui, la logique, c'est de lui dire, je vous expliquerai après, parce qu'ici, c'est de nouveau chez lui, donc il a acheté cette maison avec ce parc devant, qui est une très belle maison à l'intérieur. La maison du resto avec un petit dancing en bas, une boucherie qui est devenue son magasin de bonbons chic, et puis ici, encore, il vient d'acheter ça. C'est quoi ça ? Un café, carrément ? Et donc, les artisans qui les occupaient sont laissés dedans. Mais ce bâtiment va jusqu'à l'autre côté de la ruelle, puisqu'il y avait des ateliers de boulangerie et des ateliers de boucherie. Donc c'est un pâté de maison assez conséquent. Donc ça c'est à Monsieur Cook. Ça, c'est à Monsieur Cook. Alors on repasse sur le pont sans eau de la ville. Et donc c'est vrai que depuis qu'il est là, on voit que la ville est beaucoup plus propre. Arrête ! Si, non, c'est la vérité. Mais propre dans quel sens ? Parce que ça veut dire quoi, propre ? Elle était déjà propre, la ville ? Non. Pour y habiter, on peut voir qu'il y a un changement notoire. Par exemple, là, il y avait de la verdure, de la pelouse, mais des fines bandelettes, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui évidemment, au bout d'un temps, devenaient boueuses. Maintenant, c'est un gravier nickel. Ici, tous les trottoirs ont été refaits. Et ici, il a acheté l'hôtel du Sanglier, j'expliquerai plus tard. Ok, mais Monsieur Cook, il refait les trottoirs. Non, c'est la commune, ça. Peut-être que c'est lui, je ne sais pas. Je n'ai pas été fouillé dans qui paye quoi. Et je veux dire que tout ce qui est à gauche sont donc presque à lui. Création de bijoux, des magasins. Alors apparemment, il laisse les commerces qui sont là, dedans. Et il a racheté la petite brasserie... la Marklof, qui était la bière locale. Et donc, la bière va rester à la propriété du comte qui avait repris la brasserie. Et Cook, en fait, reprend les bâtiments et, paraît-il, va y faire des bâtiments, des commerces, je ne sais pas lesquels. Et de toute façon, c'est un bâtiment au patrimoine qui 17e et qui est à l'intérieur, qui n'a pas bougé, qui est extraordinaire. Ouais. Et alors maintenant, Durbuy a été mis. Ah, je m'excuse, mais on vient encore ici. On passe à côté de. Ouais, mais vas-y. Hein. De l'ancienne petite merveille qui était. Une maison, une grosse maison d'accueil des enfants pour les vacances. C'est à lui ça. Eh ben, il a acheté ça. Il a repris ça dans son groupe. Hein, mais alors c'est des enfants qui viennent surtout de Flandre. Ouais. Et ça depuis les années 60. Et donc ça s'est agrandi progressivement. Et c'est toujours resté dans cette famille. Et donc ici on va arriver à l'espace des kayaks. Qui est à Monsieur Cook. Qui est aussi à Monsieur Cook, puisqu'il a racheté les deux entreprises de kayak. Et là, c'est son bâtiment pour vendre les entrées à ses activités. Le camping qui est là est en copropriété, donc ça reste la propriété des copropriétaires. Ouais, donc ça, il n'a pas réussi à acheter, quoi. Voilà. Et puis après, on a ici l'entrée dans toute sa zone de sport aventure, comme on dit, qui est sur la droite de la vallée. Et on va aller donc jusqu'au bout. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'aménagement, tout est en bois. Bah, il a les moyens et puis il fait tendance. Hein, il fait... Puisqu'on est aussi à la tendance écologie, bois, machin, bah, évidemment, il joue cette carte-là. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Et alors, il a refait tout, les espaces de sport. De sport-aventure et de découverte comme ça, d'une même conception d'aménagement esthétique et du type de bois utilisé donc on a tout au long de ses propriétés, de ses activités, une esthétique mais qui s'intègre au paysage. Mais évidemment, avant c'était peut-être pas le cas, mais maintenant... Avec les moyens, forcément, on peut faire esthétique, mais pas. Donc il n'a pas. Mais pas quoi, mais pas. Mais pas forcément. Il y en a qui ont de l'argent et qui font des catastrophes quand même. Oui, mais je veux dire, mais si tu veux. C'est-à-dire que si moi... tu veux passer plus inaperçu, si tu veux te faire apprécier, tu es obligé quand même de jouer cette carte-là aujourd'hui, hein, non? Non, il y en a qui choisissent quand même la pub Coca-Cola ou la pub n'importe laquelle. Et par exemple, sur Durbuy, tous les parasols sont maintenant, plutôt que d'avoir une esthétique commune qui aurait pu être inventée, ben, c'est toutes des marques, c'est la publicité partout. Et c'est agressif, disons qu'ici, ça ne devient pas agressif. Oui, tu veux dire dans la nature, là, parce qu'on se promène dans la nature. Oui, il n'y a pas encore de gros panneaux publicitaires qui annoncent les choses. Pas encore. Donc, hein? Pas encore. Pas encore. Mais je ne pense pas que ça arrivera. Comment tu le sais? Mais parce que son projet de faire un... Le plus grand parc européen de tourisme naturel. Un Disneyland, aussi grand qu'un Disneyland, moi j'ai vu. Oui, c'est ça, mais c'est-à-dire que le territoire dont on va faire le tour, c'est Disneyland. C'est plus grand que Disneyland. Avec la différence, évidemment, que Durbuy, en tant que zone d'habitat, est comprise dedans. Donc les villages... les lieux, tout ça, on est dans le Disneyland naturel, si on veut. Mm. Donc, c'est, je veux dire, Marne-la-Vallée n'est pas au milieu de Disneyland, il est de l'autre côté. Tandis qu'ici, on est dedans, quoi. Donc, c'est une toute autre chose, quoi. C'est une toute autre chose, tu veux dire? Oui. Mais c'est-à-dire que la vie des gens est dans le Disneyland que M. Cook nous construit. Oui, la vie des gens. La vie des gens, oui. Oui. Tandis qu'à Marne-la-Vallée, ben, il y a Marne-la-Vallée et il y a Disneyland. Ici, Disneyland, c'est devenu Durbuy, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Et vu l'ampleur qu'il prend, ici, on n'est plus à Durbuy. Voilà, c'est ça que tu dois préciser. Parce que... Pourquoi tu parles de Marne-la-Vallée? Ah ben c'est parce que Marne-la-Vallée, c'est la localité qui est à côté de Disneyland. Et donc si on veut Disneyland... Ok, là Disneyland, tu me parles de Disneyland Paris alors. Oui, c'est ça, de Disneyland Paris, c'est ce qu'il dit. Donc ce qu'il a acheté a plus de dimensions... Ici, Monsieur Cook. Sol, Monsieur Cook. Donc, oui, en mélangeant les gens, je comprends ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, c'est que le Cook, en fait, il achète le territoire avec des gens qui habitent dedans, en fait. C'est ça. Les gens n'ont pas le choix. Ben non, puisque... Et alors là, c'est chez lui. Donc... Voilà, alors attends, on peut voir quand même, c'est énorme chez lui. C'est un mini-château, quoi. C'est un mini-château. Donc... Qui reconstruit, en fait. Non, non, qui restaure, qui retape, parce qu'il était abandonné depuis pas mal. Il était à vendre, mais il n'avait pas trouvé acquéreur, donc il a acheté. Mais... Et donc, il a aménagé déjà, il a supprimé tout un tas de choses, et son jardin est déjà aménagé, etc. Donc... ça veut dire... Il y a un peu quand même la folie des grands d'Ors, monsieur, parce qu'il habite... Enfin, c'est dingue. Oui. Et donc, on dit que... Donc ça, je suis pas sûr qu'il voulait aussi acheter la maison de retraite. Ça, c'est pas sûr, ça. Non, mais c'est que les maisons de retraite sont quand même, au niveau économique... un avenir intéressant. Et il y a des maisons de retraite d'ici... Qui, je fais court là, mais qui n'auraient pas été aidés par la politique locale pour des aides à l'acquisition de terrain, etc. Et qu'une fois construit, ben, c'est un flamand qui l'a racheté et c'est devenu une entreprise normale, mais qui n'appartient plus à la région sur laquelle on habite, etc. Donc à un moment donné, il y a des pôles économiques, touristiques qui sont importants, qui sont rachetés comme ça par des capitalistes. Et puis, il y a d'autres zones qui sont rachetées, mais qui sont plus avant. Avant, on achetait des maisons, des vieilles fermes, etc. Maintenant, on rachète des entreprises, puisque les hommes pour vieux, les vieux qui vont dedans, c'est des clients. C'est plus des vieux auxquels on doit s'en occuper. Oui, alors que normalement, c'est des idées collectives quand même. Ça, c'est quand même c'est quand même une... La politique ici à Durbuy qui fait qu'on se préoccupe de ces anciens, quoi. Oui, quand même. Donc, à un moment donné, cette préoccupation, ben, elle devient économique. Et donc, priorité à l'économique, on a choisi ça. Bon, ben voilà, c'est choisi. Et donc, à un moment donné, ben, c'est celui qui a le capital qui emporte l'affaire. Et donc, à un moment donné, le grand danger que ça peut avoir... C'est évidemment qu'à un moment donné, une personne a tellement de propriétés, de territoires, d'activités, comme Durbuy, comme Disneyland, et tout d'un coup, si ça ne l'intéresse plus, ou si ça ne marche pas tout à fait, ou si ça marche très bien, évidemment, c'est son projet, ben, il le revend à qui ? À des Chinois, à des Américains, où il n'y a personne, alors qu'est-ce qu'on va devenir ? Donc le danger, c'est que le monopole va détruire une énergie locale. Et collective à la base. Et collective. Mais moi, je dirais qu'à la base, elle n'y était pas, puisqu'il est arrivé. Donc après ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Sinon, la dégradation de ceci, quoi. La dégradation de quoi ? De tout ce qu'il construit, et oui, c'est ça ? Comme tous les monopoles. Si un monopole arrête, c'est terminé, il n'y a plus... C'est le même principe partout, au niveau du capitalisme, c'est sa logique, on l'a choisi, voilà, c'est celle-là. Et donc, à un moment donné, c'est le risque qu'une concentration d'un tas de propriétés existe, qu'à un moment donné, il y a une seule personne qui décide de ce que ça devient. Oui, moi, c'est, je trouve alors, ça... Alors, si lui, il en a marre, ou ses enfants en ont marre, on connaît des entreprises où y a la famille, et puis de cette famille, il y a cinq enfants, trois enfants, puis il y en a deux qui veulent vendre, ben, le troisième est obligé de vendre, parce qu'il n'a pas l'argent. Donc c'est de nouveau les capitalistes plus fortunés qui vont racheter ça. Ou alors si ça ne les intéresse pas, ben, ils n'achètent pas. Mais personne ne pourra racheter alors. Donc, enfin, personne, on n'en sait rien, on ne connaît pas le futur, mais c'est toujours... Moi, c'est surtout cette logique qu'on casse le collectif, en fait. On revient au temps des rois, tu sais, des comtes, ceux qui ont l'argent avec et ils font travailler. Enfin, il n'y a plus de combats sociaux là-dedans, il n'y a plus d'histoire collective, quoi, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc, toute l'énergie collective qu'il pourrait y avoir est... Comment est démobilisé. Et cassé. Parce qu'un gros mec plein de pognon, parce qu'en fait, le cook, on ne l'a pas encore dit, mais c'est un millionnaire. Un milliardaire, oui. Un milliardaire. Un milliardaire, oui. Et donc, il a revendu sa firme, son entreprise pharmaceutique aux Américains. Et donc, il a fait une plus-value avec ça. Et donc, à la limite, il aurait pu garder son argent et rien faire avec. Donc, moi, ce que je pense de ce projet, c'est que c'est logique par rapport à ce qui s'est passé avant. Durbuy avait déjà pris le choix de ce type de tourisme. Et donc, à un moment, pour rigoler, pour dire quoi, j'ai des amis libéraux qui en ont marre, qui trouvent qu'il exagère, il prend trop, il ne respecte pas les règles. Ah ouais, même les libéraux. Oui, parce qu'à un moment donné, ils disent la commune a laissé partir, mais c'est à nous. Moi, je leur dis attention, vous êtes des collectivistes, quoi, parce que s'ils sont libéraux, ils sont pour la liberté du marché, donc le marché est libre, les lois sont prévues pour ça. Le tout, c'est qu'il est plus fort qu'eux. Alors les libéraux ne sont pas d'accord qu'il y a un libéral qui est plus fort qu'eux. Mais... Excellent. Et donc, voilà, moi ça me paraît contradictoire. Si les lois de notre pays, social-démocrate, libéral, ce qu'on oublie toujours, mais, et donc, quand on supprime le social, ben, il reste démocrate-libéral, ça me paraît logique. Donc c'est la liberté du marché, et le marché a des lois, et c'est la loi... Ben, le marché, c'est la loi du plus fort. Hein. Ben oui, mais c'est une loi. Et donc cette loi, ben, elle s'applique à Durbuy. Et c'est normal. Donc je ne vois pas pourquoi on critique ce monsieur dès lors que le peuple a voté. Peut-être qu'il s'est fait rouler, mais enfin, il a voté pour la loi. Le peuple, tu parles des 300 personnes ici à Durbuy ? Non, je parle de la Belgique qui a autorisé ces lois. Et donc, je veux dire, ces lois sont là. La loi de la propriété privée, ben, c'est elle qui est au-dessus de tout, c'est elle qui emballe tout. Et tout le monde est d'accord sur la propriété privée, et bien donc, lui, il fait de ce grand espace sa propriété privée. Il fait pipi partout, ça c'est moi qui dis. Ah oui, hein? Mais... Oui. C'est vraiment cette impression hein, qu'il y a besoin de se rassurer en disant « ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi », parce que c'est énorme, hein, je ne sais pas si les gens qui écoutent se rendent compte, mais c'est quand même... Hein, oui, mais c'est énorme l'espace oui. qu'il s'approprie, oui. quoi. Mais, je veux dire, dès que la loi l'autorise... Il n'y a pas de limite à ça. Puisque la loi n'en met pas. Et donc, à un moment donné, puisque la loi n'en met pas, je ne vois pas pourquoi on le critique, puisque nous avons fait les lois. Le problème, c'est qu'on a fait ces lois-là. C'est tout. Je veux dire, à un moment... Ou alors on revient à Che Guevara, une mitraillette, et on zigouille, mais ça va rien changer, puisqu'il y a un autre qui va revenir. Hein, Albert Frère, il fait ça en Afrique, et donc il est wallon, que ce soit flamand que génicis, c'est vraiment... C'est pas parce qu'il est flamand qu'il est riche. Il est riche et puis il s'est fait qu'il était flamand. Bon, voilà. Oui, pour toi, c'est une question de règles et de lois qui permettent en fait à celui qui a plein de pognon de se la jouer, quoi. Oui. Et donc, l'état de droit, c'est le droit du marché. Voilà. Et il est libre. C'est la liberté d'expression. Il s'exprime librement. Donc, je vois pas pourquoi on le critique. Et tiens, et la commune d'Urbouy, tu vois, tout ce qui est collectif, parce qu'il y a quand même, encore ce collectif qui est là, comment ça marche aussi, j'imagine, il mélange du public-privé, comment ça s'arrange ? Ah, c'est une longue histoire, alors, mais, je peux peut-être la raconter tantôt, parce qu'autrement, on va continuer la visite. D'accord. Mais ce qui est clair, c'est que la commune d'Urbouy est d'accord avec M. Cook, et par exemple, le bourgmestre... Je pense pas que c'est dans un discours ou un débat, je ne sais plus. Il a dit quand même qu'avec M. Cook, il sait travailler parce que lui, il amène des dossiers ficelés. De fait, c'est-à-dire que, voilà, tout est ficelé par M. Cook. Mais je suppose qu'autour de lui, il y a des experts financiers, des experts techniques, il y a tout ça. Et quand le dossier arrive, ben, on n'a rien à faire. On n'a qu'à le faire, ce qui est dans le dossier. On n'a pas à discuter, puisque tout est fait. Et puis il a aussi la finance qui vient appuyer le truc, quoi. Oui, mais ça, c'est pas l'argument, parce que... Oui, mais ça, ils vont pas le dire tout haut. Ils vont pas le dire tout haut, mais... Tu vois, moi, je trouve que c'est bien aussi de démonter la mécanique de tout ce langage. Hein. Soyons pas dupes. Ce mec a le pognon, et avec son pognon, bah, c'est facile aussi. Hein. Ah oui, ça, forcément. Que... Si même il fait un resto qui ne marche pas, c'est pas grave. Je veux dire, il a perdu combien de ça... son capital, donc il peut se permettre de perdre, et il peut se permettre aussi d'attendre X années avant que ça ne rapporte de l'argent, puisqu'il en a déjà. C'était par rapport à la commune, tu vois. Alors la commune... Je veux dire, ils sont chauds de marchander avec ce type, quoi, évidemment. C'est-à-dire que la commune est divisée, c'est-à-dire que la majorité, pour le moment, elle marche avec lui, elle est contente, avec le prétexte qu'évidemment ça va amener du développement local, ça va amener de l'emploi, ça va amener tout ça, mais ça n'est pas extraordinaire pour moi, puisque c'est le rôle des capitalistes que de faire ça. Et les patrons trouvent de l'emploi et les travailleurs travaillent. Donc, c'est pas exceptionnel que ce soit comme ça que ça se passe, puisque c'est comme ça que ça se passe. Donc, le fait qu'ils créent de l'emploi, le problème, c'est pas qu'ils vont en créer, c'est qu'avant, on n'en a pas créé. Et donc, voilà. Alors, ce qui font la différence fondamentale, je pense, entre la commune et même ses habitants, ou pas tous, mais en tout cas ceux qui vivent du tourisme, etc., l'idée principale, c'est quand même le profit. Et donc, à un moment donné, cette option se passe, et elle devient dominante, et puis lui, il est plus fort que ça, et il le prend. Et à l'intérieur de ce choix commercial, jamais, par exemple, un développement culturel n'a été pris en compte. Donc, à un moment donné... Un développement culturel n'a été pris en compte, par exemple ? Au niveau de la commune, bien sûr, il y a un centre culturel et tout ça, mais c'est aussi une chose difficile à expliquer, c'est que c'est un manque culturel qui est entretenu sur une région qui a une capacité culturelle extraordinaire. Et donc, il faut expliquer pourquoi cette région est en retard, ou en déficit, ou en manque culturel. Qui dit ça ? Moi. Pas que moi, mais je veux dire, la province de Luxembourg, si elle est belle, et qu'on l'appelle la belle province, c'est bien parce qu'il n'y a pas eu de développement économique qui a abîmé le paysage. Et maintenant, on le voit, puisqu'il y a un développement économique, il abîme le patrimoine. Donc, à un moment donné, comme ça a été préservé de cette logique, parce que l'État voulait en faire un no man's land, par exemple, entre la France et la Belgique, c'est-à-dire entre le Royaume et la République, c'est aussi quelque chose qu'il faut expliquer. C'est à cause de ça qu'il y a l'Ardenne aussi, et qu'il y a ces grands bois, ces écarts entre la France, l'Allemagne, etc., à cause des forêts. Mais, et donc, à un moment donné... Grâce. Tu dis à cause. Oui. C'est beau aussi, toutes ces forêts. Hein. Oui, mais ça ne sert pas à la forêt, c'est une frontière. C'est un no man's land où on ne doit rien avoir. Donc, les gens qui restent au 19e siècle dans les Ardennes, bah, ils vont devenir des grands fonctionnaires de l'État quand ils partent. Ce sont des grands propriétaires terriens, ou c'est les tarés sociaux qui restent, quoi. Et donc, ça. Et alors, à partir de la misère ambiante, bien, il y en a qui en sortent. On a des poètes fabuleux comme Rimbaud, parce qu'il est à 10 km de l'Ardenne, mais il y a des trucs pareils, mais. Où 10 km des Ardennes ? Mais dans le front de la province de Luxembourg, à Charleville, on passe. Voilà, Charleville-Mézières, c'est là. C'est là qui est. Il y a une grande forêt entre les deux, mais l'histoire de ce pays. Alors, on rejoint le communautaire, mais hein, il faut 10 émissions alors. Mais quand la Belgique devient libre, elle est francophone, parce que la bourgeoisie est francophone. Elle n'est pas wallonne. Elle est francophone, c'est pas la même chose. Et donc, à un moment donné. C'est une contradiction. Comment peut-on être catholique, belge, d'un royaume, et de parler français, alors que la France est l'image même de la République ? C'est contradictoire. Et donc, il faut s'en sortir. Et à ce moment-là, on va se protéger de la République. Et on va remballer chez eux tous les républicains qui nous emmerdent. Et c'est une histoire qu'on ne nous raconte pas. Mais tous les Français qui s'étaient réfugiés à la commune, on les a remballés, quoi. Mais pourquoi ? Mais parce qu'ils sont dangereux, à un moment donné, pour le printemps des peuples. C'est pour ça qu'ils ne se passent pas en 48. Donc c'est une longue histoire. Tu as l'air de la connaître, cette longue histoire. Ça t'a intéressé. Toi, on oublie de le dire, monsieur X. Tu es né à Durbuy, hein. Ouais, tu connais Durbuy depuis que tu es tout petit. Et donc, je n'ai jamais compris l'histoire, donc j'ai essayé de la comprendre, parce que, voilà, donc moi j'ai compris la politique dans ma famille en 1960, quand ma grand-mère est morte, on a dû l'enterrer, et pour que la famille de Liège vienne, il fallait des laissez-passer de l'armée. Moi, je ne comprenais rien, évidemment. À 10-12 ans, on ne comprend pas grand-chose à ce truc-là. Mais donc, si pour un enterrement, il faut des laissez-passer de l'armée, ce n'est pas une grève, c'est une insurrection. Alors, il faut qu'on m'explique. Hein, c'est les policiers. Mais comment c'est possible, ça en 60. Et donc, mais alors, ce qui est pire, c'est qu'une partie de ma famille étant flamande, tout d'un coup, c'est la dispute dans la famille, hein, autour de la tasse de café et de la tarte, comme à l'époque. Et j'ai les Flamands et les Wallons qui s'engueulent, j'ai les syndicalistes avec les patrons qui s'engueulent, j'ai les militaristes avec les autres qui s'engueulent, j'ai mon père et mon oncle qui s'engueulent parce que mon père est plutôt fonctionnaire et mon oncle il est indépendant. Et donc tout d'un coup autour de moi, c'est la castagne dans la famille. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe là, hein? Moi, j'étais pas au courant. Tout. Et ma mère dit, on pourrait peut-être se calmer parce que c'est quand même la grand-mère du petit qui est morte. Voilà. Et en même temps, j'avais le rôle des femmes dans cette société. Et donc, voilà. Donc à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, bon. Puis, oui, t'as voulu décortiquer, oui. tout, pourquoi c'était comme ça? Et donc, j'ai cherché des livres sur la Wallonie, j'ai cherché des livres sur l'Ardenne. J'avais des bêtes légendes, enfin, des légendes intéressantes, mais. J'avais la gâte d'or, puis j'avais plus rien, donc je me dis, c'est pas normal. La gâte d'or? Oui, c'est une vieille histoire du Moyen-Âge, la Mélusine aussi. Enfin, en Bretagne, c'est les mêmes, hein, etc. Donc ça n'a pas d'intérêt, puisque c'est la même, et on a changé la place de la grotte, quoi. Donc, bon, au bout d'un temps, c'est peut-être universel, comme les intellos disent, mais pff, c'est partout pareil. Et donc, mais je cherchais l'histoire, je la trouvais pas. Et donc, voilà. Et mon père en. Comment tu l'as trouvé alors? Ah ben j'ai fouillé. Mais où? Ah, pour finir dans des librairies gauchistes dont on ne peut pas aller. Et donc ça c'est grave quand même. Donc on se dit par exemple, j'ai trouvé ce que Marx a écrit en 1930, mais voilà, sur la Belgique c'est ça. Donc, et puis je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Donc, et puis après il y a quand même des gens qui sortaient des livres, et puis il y avait des vieux qui me racontaient l'histoire. Et puis après j'ai quand même lu les livres qui sortaient. Et puis je me suis dit, ben, ils racontent la même chose que les vieux. Donc les vieux ne m'ont pas dit de conneries. Et donc je me suis mis à regarder ce qui se passe autour de moi, en me disant que c'est la même chose que ce que les historiens racontent, puisque pour le passé, ça semble correspondre. Et en sachant que de toute façon, il peut y avoir des erreurs et des mensonges. Et quoi, parce qu'évidemment, comme tu dis, sinon on devrait faire des tonnes d'émissions, plusieurs émissions. Là, on a pas le temps d'en faire plein, mais qu'est-ce que tu en ressors de tout ça après tes lectures et après analyse, après le recul, après le temps qui est passé, puisque tu avais 10 ans, c'est ça que tu dis? Oui, c'est ça. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu en tires de tout ça en fait? T'as pas l'impression qu'on répète l'histoire aujourd'hui, qu'on fait tout pour que les gens se divisent les uns les autres? Enfin, tu vois, il n'y a pas quelque chose de récurrent dans l'histoire, avec justement ce marché économique qui fait faire des guerres, mais on te le cache, hein, cache. Voilà. La question que je pose, c'est ce qui me préoccupe et ce qui me garde cet itinéraire, c'est la falsification permanente de la réalité. Le reste. La falsification de la du réel, en fait. Du réel, de ce qui se passe. Et donc, et je ne comprends pas. Le fait, par exemple, je prends l'histoire de mon père, comme ça, ça expliquera bien, et j'espère que les Flamands écouteront ou qu'on le traduira pour eux. C'est que mon père écrivait en wallon, et il faisait des spectacles dramatiques en wallon. Et il en a fait un sur les fermes dans les années 60. Un spectacle? Un spectacle en wallon. Parce que les petites fermes ferment et les grosses fermes les rachètent. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est interdit. Là où il est né, dans son village, on a interdit que cette pièce soit montée, soit jouée, etc. Incroyable. Mais c'est logique. Quelle année? 63, 66. C'est pas vieux. Et deux ans après, c'était 68. Et donc, c'est pas très vieux. Et 66, on oublie, c'était la première grève des femmes ouvrières en Europe à la FN à Liège. Et chez moi, on interdit mon père l'écriture qui dit la réalité sociale. Mais en même temps, quelle réalité sociale ? Ça va, je me pose la question, etc. Et puis alors, c'est les vacances à Durbuy. Et donc, il y a du spectacle. Et on présente Brecht. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on présente Brecht alors que toute mon enfance et pendant la grève de 60, on m'a dit que les rouges et les communistes étaient dangereux. Et donc, ils sont contre la nation belge. Et puis, les mêmes qui m'ont dit ça, ils font venir Brecht, qui est communiste, qui est passé à l'Est. Et pourquoi lui peut et pas mon père ? Ah, lui, il peut parce qu'il est au patrimoine culturel, au répertoire. Mais c'est insupportable. Et quand j'exprime ça à mes camarades, eh ben, ils me disent que ce que je raconte sur mon père, c'est une anecdote. Quoi que ça n'a pas d'importance. Ben oui, parce que c'est rural, ça n'a eu lieu qu'à un endroit, etc. Et donc, maintenant, cette position qui a été celle-là, qui est banale, ben, c'est logique que Cook, puisqu'on ne peut pas dire la réalité des faits de ce qui se passe, qu'on ne peut pas en discuter ensemble, mais qu'on écoute ce qui se dit loin sur les problèmes économiques, et donc nous, on est en dehors de tout ça, on n'a pas de prise dessus, ben voilà, Cook arrive. Mais le problème, c'est dans la culture, puisqu'on ne peut pas en parler, et qu'on sélectionne des choses qui ne nous concernent pas, et ce qui nous concerne, on nous l'interdit, sous prétexte de qualité. Ben donc maintenant, la qualité que Cook amène est bien meilleure de celle dont on avait les moyens avant. Donc je veux dire, les propositions culturelles, sont comme Cook. Elles envahissent le territoire mental. Pourquoi tu dis juste avant qu'elles sont bien meilleures que... Je veux dire que, évidemment, mes amis du théâtre vont me dire, mais écoute, Molière, c'est quand même meilleur que ton père, hein, à vous. Artaud, c'est quand même meilleur que mon père. Ah oui, ils disent ça. Ben oui. Oui, ce n'est jamais qu'un... Le Wallon, de toute façon, c'est... Ça n'a pas de culture. Donc, à un moment donné, on dit ça. Ben alors, Cook lui dit, bande de cons, là, qui... ça n'a rien à faire à Durbuy, ça ne se développe pas. Ok, c'est ça que tu veux dire. Oui, donc c'est exactement pareil. Ah, voilà, je comprends. Tu vois ? Et donc, à un moment donné, quand on se trouve devant cette situation, ben, tu te dis, le théâtre national, c'est extraordinaire. Même s'il joue un spectacle chinois sur Mao Tse-tung, on va lui pardonner, parce que ce sera bien écrit, parce que si, parce que là. Ben, Cook, il fait pareil, il défend la nature. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Voilà, et donc, mais qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, on applaudit, parce que la sélection est bonne. Parce que lui, il est meilleur que les autres qui étaient ici avant. Mais Molière est quand même meilleur que mon père, donc vive Molière, donc clap ta gueule mon père. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Alors, les francophones, c'est meilleur, donc les Wallons, clapez votre gueule. Et puis maintenant, la ministre vient de choisir deux Flamands pour aller à Venise. Mais ça, c'est extraordinaire quand même. Parce que c'est la communauté française et on prend deux Flamands. Mais c'est logique. Ils sont à Bruxelles. Et donc, la communauté française, elle a une minorité flamande dont elle doit s'occuper puisqu'ils vivent à Bruxelles. Alors on va me dire, oui, mais c'est pas le territoire, c'est autre chose. Non, le territoire, c'est la région. Donc, ça n'a rien à voir avec la région. Ah, ça n'a rien à voir avec la région, parce qu'alors, il fallait qu'au ministère, on ait tous les 3 ans des artistes qui viennent de Flandre, du côté francophone, du côté néerlandophone, et puis germanophone. Mais comme on a pris francophone, néerlandophone, il faut alors admettre que c'est par région, et que Bruxelles est une région multilingue, et que la communauté germanophone devienne une région économique. Et alors on a le concept cohérent de la nation et de l'État. Qui est représenté, c'est ça que tu veux dire ? Oui, parce que partout, là je perds un peu le fil. Partout, tu vois. Mais donc la critique que fait le milieu artistique maintenant est hors champ politique. Et donc quand il y a eu le manifeste de la culture wallonne, on nous a traités de nationalistes. Et maintenant, ils prennent une position nationaliste, en disant, mais vous prenez deux Flamands que deux francophones, c'est complètement aberrant. Et d'autant plus que la position nationaliste et l'État-nation est dépassée, puisque c'est la bourgeoisie qui l'a inventée pour que le capitalisme se développe, et le capitalisme veut autre chose maintenant. Et lui, étant dominant, mais décidera de ce qu'il y aura. Je comprends pas. Et donc, à un moment donné, M. Mandien, ça n'a rien à voir avec Derby et M. Cook, si. Puisqu'on lui propose d'être premier de liste sur le Parti Socialiste français pour les élections. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a un ressortissant d'un pays étranger, d'un parti politique, qui va tirer la liste de ce parti. Ça veut dire que l'État-nation, c'est pas ça le problème, c'est le problème européen. Et qu'est-ce qu'il dit ? C'est qu'il est heureux et flatté d'avoir été proposé par le parti, qu'on lui a demandé ça. Mais c'est pas ça le problème. C'est qu'on installe une rupture forte pour que dans l'Europe, il se passe autre chose. Ils sont tous en train de dire qu'il faut aller à l'Europe. Je comprends pas. Et donc, Durbuy... Quand tu dis « ils sont tous ici à Durbuy » ou bien... Partout. Parce que je trouve qu'il aurait dû le faire. Et de toute façon, techniquement, c'est pas possible de le faire puisqu'il n'y a plus assez de temps. Donc, là, je perds un peu le fil. On parle de quoi, précisément ? Si tu veux, quand on propose à Magnette... À Paul Magnette. Il faut que tout le monde comprenne. Ah oui, à Paul Magnette, qui est ancien président de la région Wallonne. C'est pas n'importe quoi. Et qui est bourgmestre de Charleroi, qui a été ministre fédéral, qui sera peut-être président du PS, donc c'est pas n'importe qui. Et c'est quand même le PS français qui lui propose de tirer la liste française aux élections européennes. Donc, à un moment donné, si tu veux, on a dépassé le concept d'État-nation pour entrer dans un concept européen. Et tout le monde dit qu'il faut le faire. On a l'occasion de le faire, symboliquement. Mais... Et donc, il dit qu'il est flatté. Paul Magnette ? Oui. Oui, qu'on lui ait proposé. Je comprends, c'est vrai. Mais l'enjeu est beaucoup plus grand. Mais il le sait, il n'est pas con, ce mec. Hein. Mais il ne l'a pas dit. Oui, mais je veux dire, on dit il est flatté, je le comprends. Je ne crois pas que c'est une question de flatterie. Il sait bien les enjeux qu'il y a derrière, quand même. Hein. Mais oui, et donc, pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas ? Ah. C'est ça la falsification, parce qu'à un moment donné, symboliquement, c'est extrêmement fort. Mais si on ne donne pas un signe symbolique à la population pour la raccrocher à l'Europe, ce qu'ils sont en train de dire tout le temps, en voilà un, et personne ne s'en sert. Et tout le monde fait des critiques sur ce truc qui paraît aberrant. Mais non, c'est un symbole fort, il est minime, mais on laisse tomber. Voilà, à Durbuy, ça a été la même chose. C'est-à-dire que dès le moment où c'est le commerce qui décide tout, ben, c'est le commerce qui décide tout. Mais évidemment, au début, c'est tout petit. Et si on pose la critique, on fait l'analyse de ce qui se passe, et on vous dit en prospective, puisqu'on en fait beaucoup maintenant, voilà ce qui va se passer, parce que logiquement, si on analyse les faits, ça produit ça. On ne peut pas. Voilà, on peut pas. Et alors après, Cook arrive. Mais c'est logique puisqu'on l'a laissé venir. Mais est-ce que tu es d'accord, Monsieur X ? Ben bon, là, on y reste quelques 5 minutes. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est toujours un peu la même histoire qui joue ? Tu peux dire que tu n'es pas d'accord et que ça ne te parle pas. Mais l'histoire un peu des Indiens d'Amérique et les Blancs qui débarquent et qui disent ça c'est chez nous, qui amènent tout avec de l'argent, on achète les terres, on vous couillonne, on vous fait signer des papiers, en fait vous ne comprenez même pas. Mais voilà, c'est toujours cette idée de s'approprier la terre qui est en fait à tout le monde à la base, quoi. Tu vois, c'est vraiment des gens qui ont du capital, qui ont aussi parce que le capitalisme, c'est dangereux, hein. Faut pas croire que ça se joue comme ça. Je veux dire, c'est un combat à mener pour, enfin, ça, c'est ma vision. Hein. Je dis pas que t'es d'accord avec ça, mais c'est pas simplement il y a des guerres au nom de ça, quoi. Il y a des gens qui se sont fait tuer au nom de ça, quoi. Enfin, c'est quand même énorme, sous couvert, tu vois, d'un monsieur Cook qui achète des espaces ici pour faire, par exemple, un terrain de jeu pour les gamins, quoi. Hein. Je veux dire, ça a l'air gentil, sympathique. Et c'est cette mécanique-là qu'il faut essayer de bien comprendre, que il y a quelque chose d'autre qui se joue derrière ça, quoi. Oui, évidemment, mais... Heureusement qu'il y a les jeux de M. Cook pour enfants. Dommage qu'il faut payer pour y aller. Parce qu'avant, il y avait des jeux dans Durbuy. Et c'est les responsables politiques de Durbuy qui ont supprimé les jeux pour enfants. Donc déjà, quand ils font ça, ils préparent l'avenue de M. Cook. Ah mais oui, c'est prévu, ils se donnent la main. Ah oui, oui. Donc pour revenir aux Indiens... C'est pour te dire, c'est déjà une longue histoire tout ça au fond. Hein. Non, c'est l'histoire du capitalisme récent. C'est ça. Les États-Unis ont eu la fameuse guerre de sécession. Jusque-là, ça va, ils se battent entre eux. Mais ça n'a rien à voir avec l'esclavagisme en plus. C'est-à-dire que le Nord, c'est l'industrie, le Sud, c'est le capitalisme agraire, et l'enjeu, c'est l'Ouest, le Far West. Pourquoi ? Parce que qui va tirer profit ? Quel capitalisme va en tirer profit ? Et bon, ben, c'est le Nord qui a gagné, c'est le Nord qui en tire à profit. Excepté que ce qui se passe après la conquête de l'Ouest, c'est la première guerre impérialiste américaine, en fait. Et c'est le génocide indien, et le reste continuera. Et parce que c'est ce qu'ils ont fait maintenant, et c'est dans la Constitution américaine, je crois, qu'ils doivent apporter la démocratie partout dans le monde. Mais je pense... Et Dieu est à nos côtés, je crois. Mais donc, ils l'ont fait. Mais donc, on sait ce qu'ils ont fait, quand même. Et ils continuent à le faire. On dit non, c'est pas ça qu'ils font. Et par rapport au génocide indien, moi, je m'en fous qu'il y en ait 2 millions de tués. C'est pas le problème. Il y en a un, c'est déjà trop. Et donc, mettre des chiffres sur le nombre de tués, c'est aberrant. Il y en a un pour raison politique, c'est inacceptable. Et le gouvernement qui a fait ça, il va en prison. Et on ira beaucoup mieux. Mais, comment je veux dire ? Mais en plus, quand on regarde les westerns, ben, c'est l'Ardenne, je veux dire. Enfin, moi, je vois pas de différence. C'est marrant que tu dises ça, parce que je trouve aussi... Je suis allée dans le fin fond de Vielsalm. Je me dis, mais j'ai l'impression d'être dans un western. Et aujourd'hui, il faut se rappeler aussi que c'est un jeune gars de Vielsalm qui a braqué un bus scolaire pour monter jusqu'à Bruxelles il y a 20 ans, je ne sais plus, en 80, je pense. Et simplement pour avoir le droit de parler. Ah bon, raconte cette histoire brièvement. Ben, c'est-à-dire qu'un jour au matin, Vielsalm, il y a un jeune gars, disons 18 ans, peut-être plus jeune, peut-être 20 ans, je ne sais plus exactement, et qui sort un flingue, un fusil, et il oblige le chauffeur à monter sur Bruxelles avec les enfants derrière. Ah bon ? Et donc c'est extraordinaire. Et donc, il arrive à Bruxelles, je ne sais plus où, donc le bus est... Et qu'est-ce qu'il veut ? Exprimer que Vielsalm, il n'y a rien qui se passe, qu'ils sont dans la déprime, qui... Voilà. Et... Ah ouais, c'est dingue, ça. Ouais, donc, c'est des moments... Enfin, je veux dire, ce n'est pas du terrorisme violent, mais c'est un acte terroriste. Mais alors... Ouais, c'est un acte fort, quoi. C'est ouais. Un acte fort. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à la même époque, moi, je fais un atelier avec un ami écrivain et peintre, tout ça... dans la région de Vielsalm. Et à un moment donné, bon, les enfants inventent une histoire. Qu'est-ce qu'ils inventent comme histoire ? C'est un cirque. Non, c'est pas un cirque, c'est l'école du cirque. Donc c'est même pas un cirque, et tous les animaux sont en cage. Et alors, à un moment donné, une petite fille qui me dessine une vache en cage, là, je dirais là, puis je me retourne, et c'est un carré noir, il n'y a plus rien. Et le jour, enfin, la semaine où j'ai eu ce dessin, ou sur la vie, quelque part, il n'y a rien, c'est noir, c'est une caisse. Il n'y a que moi qui sais qu'il y a une vache dedans. Ben, le gars, il prend son bus et il va demander le droit à la parole. C'est extraordinaire. Ce que tu veux dire, en fait, avec l'histoire du dessin et des vaches, c'est que les enfants sont tellement coincés, quelque part, ils font limite une projection enfermés dans une cage, quoi, ou un trou noir, une boîte noire. Oui, ouais. Et donc, en même temps, on a cet acte-là. Et l'acte symbolique, mais il est petit. Mais je veux dire, le PS français qui propose ça à M. Magnette, c'est petit. Au niveau de l'Europe et du monde, donc c'est pareil. C'est un acte symbolique qui est signifiant de quelque chose. Et la culture doit en prendre compte, évidemment. Picasso a peint beaucoup plus que ça. Mais Malevitch, il a fait une toile noire, ben comme la petite fille. Et si je dis ça, alors là, c'est insupportable dans le monde artistique. Ah ouais ? Ah ben oui, parce que quand même, Malevitch, c'est autre chose, quoi. Milevitch. Milevitch, tu vois. Bah, tu sais que Picasso et consort, on va dire, s'est récupéré pour en faire un business de malade. Hein. Je crois que Picasso, il serait vachement triste s'il revenait et qu'il voyait tout le business qui s'est fait de son travail. Ah oui, mais pour revenir à M. Cook, c'est beaucoup mieux. Parce que Monsieur Cook a une collection d'art contemporain et l'urinoir de Marcel Duchamp, qui n'est pas rien, c'est la Joconde de l'art contemporain. Et donc, il a comme projet aussi de faire un musée à Deauville. Et donc, si on a l'urinoir de Duchamp, c'est comme la Joconde du Louvre, ça va se trouver à Deauville. Donc, on va avoir des pèlerinages cultureux énormes. Et donc, ça va être un potentiel touristique important. Et donc, enfin, le peuple pourra comprendre l'art contemporain. C'est quand même extraordinaire. Et donc, je dis à mes amis contemporains, c'est pas mieux d'avoir cette œuvre géniale chez nous, à côté de deux artistes flamands qui vont à Venise, sérieusement. Parce qu'on pourrait, moi je me fais un peu l'avocat du diable pour qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que ce mec Cook, il crée la culture, il crée... Je dis ça en rigolant, hein. Moi je n'ai pas honte de montrer qui je suis, je veux pas. Il crée de la cohésion sociale, il crée de la dynamique, il crée du travail. Mais si toi tu avais plus la capacité de. Comment dire ça? De gérer les choses à la commune, pour créer du collectif et de la culture, tu ferais quoi toi? Pour que les gens comprennent? Parce que sinon ils disent. Tu vois, on est. Des fois tellement loin du réel que les gens qui vont entendre vont se dire « Mais de quoi il se plaint ce monsieur X? Ce type, il amène quand même plein de choses. Toi, tu ferais quoi? Tu mettrais quoi en avant? Tu défendrais quoi ?» Et donc, à un moment donné, j'ai fait cette proposition, pas moi. Tout un groupe de gens d'ici ont proposé un développement culturel, un type d'action culturelle que je pourrais décrire aussi, mais disons autre chose, avec la population... Et le tourisme, moi je ne suis pas contre le tourisme, c'est comme si les gens de train avaient été contre l'industrie. Je veux dire, pourquoi Bruxelles est contre l'Europe? Mais je n'ai pas à être contre le tourisme, je n'ai jamais été. Et donc on a fait des propositions. Et donc à un moment donné, j'ai été appelé à être au centre culturel, et donc à l'Assemblée Générale, on a remis ce projet en accord avec les chemins de la culture de l'époque. Et ça a été approuvé, ça a été, voilà, et donc je travaille en ce sens-là. L'Assemblée Générale est finie, qu'est-ce que le pouvoir m'a dit? Si tu fais ce qu'on a dit, oui, tu es viré. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Redis ce que tu as dit, j'ai pas entendu du coup. Donc, à un moment donné, à l'Assemblée Générale de toutes les associations de Roubouy, on a donc remis un projet culturel. Oui, ça a marché. Et puis, qu'est-ce qui... Eh bien, on l'a proposé à toutes les associations avec l'administration communale qui reprenait ce projet. Et il l'a dit. Il a dit que ce serait moi qui le ferais. Et les gens ont approuvé. Et donc, je pouvais donc commencer à mettre en place ce projet-là, avec l'aval de la commune. Tout de suite après la réunion. Mais vraiment, hein, c'est comme un théâtre, tu es en coulisses. Voilà, tu es là, les gens sont partis. Et les gens qui sont au pouvoir à ce moment-là me disent « Daniel, ce qui vient de se dire, si tu le fais, c'est viré. » Ah bon? Donc, voilà, j'ai ma réponse. Et depuis, tout ce qui a été proposé par d'autres, mais pas moi, et des groupes, etc., de ce type-là, est refusé. De ce type-là, ça veut dire d'une culture, entre guillemets, proche des gens, qui même part pas, des gens. C'est... Oui, il y a ça, il y a ce côté-là. Parce que c'était pour comparer cette idée de mettre du profit sur du profit, c'est-à-dire qu'on est vu comme un chiffre, comme du marchandage, comme il n'y a plus que ça qui compte et on oublie tout l'autre aspect, mais on n'a pas encore mis des mots dessus. Mais ce qui est pire, c'est simplement mettre l'histoire locale telle qu'elle a été à l'appropriation des touristes qui viennent pour qu'ils comprennent dans quoi ils sont. Donc c'est même pas relater la lutte des classes. Je veux dire, ni les massacres, ni les... Voilà. Et donc, à un moment donné, je propose pour qu'on comprenne simplement, comme Deauville est un musée à ciel ouvert, de mettre des plaques partout, en plexi transparent. Maintenant, ça se voit partout. Voilà. Et que dessus, les artistes du coin dessinent la raison historique de ce bâtiment, ce qui s'est passé dedans, et que pour les lieux dits qui étaient encore des rues à l'époque, on retrace de cette façon, dans différents villages, l'histoire. Voilà. Et donc, c'est un musée à ciel ouvert, et qu'à l'intérieur de la maison du patrimoine, qui est au patrimoine maintenant, on fasse un musée qui, de façon simple. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple, quoi. Un exemple qui, depuis les années, disons, 80, 90, 2000, 2010, 2020, ça fait 50 ans, c'est non. Tout le temps ? Ben, depuis, oui. C'est un... Et pourquoi ? Parce que. Oui. Oui, c'est ça, il n'y a aucune logique. C'est simplement parce que c'est le pouvoir qui décide, point. Oui, oui, mais il y a sûrement une raison aussi. C'est... Moi, j'ai souvent entendu dire, surtout de notre époque, c'est que l'histoire avec un grand H, on ne veut surtout pas que ça s'en souvenir, parce que ça pourrait donner des mauvaises idées, parce que dans l'histoire, il y a des gens qui ne se sont pas laissés faire. Oui, et alors ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'on est jumelé avec la Suède. Ah bon ? La Suède ? Avec la région en Suède où se trouvent, où sont arrivés les Wallons au 15e. Au XVIIe siècle, et c'est eux qui ont créé la sidérurgie, la métallurgie d'abord, et la sidérurgie suédoise. On ne peut pas dire que c'est une saloperie de métallurgie. Et donc, à un moment donné, ce sont des Wallons qui ont créé ça, et ce sont donc des gens qui ont quitté leur pays, les migrants, qui ont inventé ça, qui ont donné ça à la Suède. Mais en Suède, il y a une chaire à l'université d'Uppsala, consacré à cette histoire. Et en plus, j'ai pu rencontrer cette personne en disant que la social-démocratie suédoise vient des Wallons, qui se sont implantés là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des écoles pour les enfants des travailleurs, dont les conditions de travail étaient lamentables. Mais ils ont fait ça. Et donc, à un moment donné, l'élite culturelle suédoise est sortie de cela. Et parce qu'ils avaient une autre manière de vie que les paysans exploités par l'aristocratie suédoise, comme à l'époque, sont devenus sociaux-démocrates. Mais, c'est raccourci, évidemment. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on... Ici, qu'est-ce qu'on dit ? Ah non, c'est des Hollandais, c'est des protestants. Non, c'est des protestants wallons. Mais la question, c'est la Wallonie. C'est l'histoire wallonne, on ne peut pas la dire. Et bon, mais pourquoi ? J'ai envie de te reposer cette question. Je sais que... Mais pourquoi ce... Ah oui, mais c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas qu'on en parle. Quoi, c'est wallon, c'est ringard, c'est minable, oui, c'est quoi minable, c'est minable. Et donc, ce que j'essaie d'expliquer, moi, c'est que là... Comment, au XIXe siècle, donc la Wallonie, c'est la richesse, le sol wallon, puisque c'est l'industrie et tout ça. Mais le peuple wallon, il est dominé comme les autres peuples, il parle wallon. Ma grand-mère, en 1960, elle parlait toujours wallon, hein, c'est sa fille qui écrivait pour elle. Donc, comme les migrants qui viennent chez nous, et la Xème génération, c'est la petite fille qui parle français, et pas la maman turque ni maghrébine. Hein. Et donc, c'est pareil, mais c'est ici que ça se passe. Alors, bon, ben les... donc on veut... puisque les wallons sont plus ouvriers, puisqu'il y en a plus... C'est dit ici que ça, que dans les zones industrielles, et Gand, Anvers, et donc aussi la Wallonie. Et donc ça, c'est insupportable pour la bourgeoisie, évidemment. Et il faut savoir qu'à l'époque, quand même, la Belgique a plus de militaires que les États-Unis pour faire leur conquête de l'Ouest. Alors, il faut, donc c'est incroyable la répression qu'il y a en Belgique. Et d'ailleurs, la Belgique est le seul pays européen à avoir réussi totalement l'idéologie libérale. Et ça, c'est vrai. Et même les Anglais, qui étaient les premiers, nous on était les deuxièmes, ils appelaient la Belgique le paradis des capitalistes. Donc tu travailles, tu crèves, on s'en fout. Et donc ce qu'on dit, oui mais les Wallons n'ont plus voulu travailler là, on a amené les Flamands. Mais c'est faux. C'est... dans les conditions de travail où les gens travaillaient, ben la classe ouvrière était incapable de se reproduire. Donc il fallait bien en amener d'autres. Et puis quand les autres n'ont pas été capables, ben on est allé chercher les Polonais, les Italiens. Mais quand tu dis qu'ils n'ont pas été capables, quoi, parce que misérables. Oui, alors le sperme ne fonctionne plus et les ovules non plus. Et puis ils n'ont pas à bouffer, donc ils crèvent trop tôt. Et puis ils sont rachitiques. Et donc on fait venir des Flamands. Et puis après, on fera... Et évidemment... le développement de la société se fait, c'est qu'il faut de plus en plus dans l'administration et il faut monter dans la hiérarchie. Et donc en même temps, ce processus se fait, mais c'est le même. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui en sort et une partie qui crève. Mmh. Et donc entre les deux, il faut bien ramener du monde. Mmh. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on ne raconte qu'une histoire? Moi, je ne dis pas que toute l'histoire, c'est celle-là. Mais une partie de l'histoire, c'est celle-là. Et aussi. Celle-là. Aussi. Et donc, elle se passe en même temps que l'autre. C'est tout. Et à Durbuy, qu'est-ce qui se passe? Ben, 1789, t'es pas venu à Durbuy. Et le comte a été condamné parce qu'il ne voulait pas que ces paysans et que ces gens aillent dans ces bois chercher du bois pour l'hiver et faire du feu. Et il a quand même été condamné. Donc c'est la preuve qu'à un moment donné, ce territoire ici est resté hors la révolution bourgeoise. Ah ouais? Ah ben oui. Et donc, ça veut dire que c'est des aristocrates. Ici encore? Ben, il y a toujours un château à Durbuy. Évidemment, ce qui s'est passé à Durbuy, c'est que toute la propriété, c'était presque au château. Et donc, progressivement, ben, il a fallu vendre, comme toute l'aristocratie a dû faire à un moment donné, puisque la société changeait. Mais les propriétés énormes qui sont dans Luxembourg, qui sont des bois qui ne servent à rien, en fait, à l'époque, ils servaient. Là où il y avait beaucoup de bois, il n'y avait pas de taxes, mais c'était un propriétaire terrien unique, il y avait des immensités de bois, et les bois servaient dans les mines, et ils étaient actionnaires dans les mines, mais la mine, c'est une saloperie. Les usines, c'est dégueulasse, mais ils y sont actionnaires. Et donc, de nouveau, ils n'assument pas le développement économique, puisque c'est des étrangers qui viennent l'assumer. Coquerel, il n'est pas wallon, il est anglais. Et donc, à un moment donné, c'est lui qui crée. Alors, pourquoi? Parce que Napoléon a perdu à Waterloo. Alors, on me dit, où est-ce que tu vas encore? Mais oui. Mais c'est génial, t'es génial, monsieur X. Mais il faut stopper. On va parler encore hors micro, ça c'est sûr. Mais c'est génial. Mais essaye de terminer sur quelque chose, parce que on conclut, et si jamais on fera d'autres micros ouverts, parce que moi j'adore l'histoire avec un grand H. Et donc, ce qui revient maintenant, c'est les aristocrates, mais qui ont changé. Et donc, c'est monsieur Cook qui revient. Le seigneur, ici. Voilà, ici. Ouais. Parce que c'est même... Moi, ça me donnait cette impression-là aussi. Parce que moi, j'étais à une terrasse de café hier soir avec des Durbuysiens et tout ça. Et donc, ils me disent, oui, mais tu vois, il a encore acheté là, etc. Mais il n'a pas acheté le labyrinthe, mais il veut que ça reste. Mais pourquoi il dit que ça doit rester? Et donc, c'est lui qui dit que ça doit rester. Et quoi, que ça doit rester? Ça doit rester au public, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ça doit rester, j'adore. Non, comme activité touristique. Parce que s'il y a une activité touristique qui manque, le tourisme général, il perd. Mais ce qui n'est pas dit non plus, c'est qu'il y a le labyrinthus, et puis il y a ce qui lui appartient, et puis de l'autre côté, ce qui lui appartient. Et donc, le labyrinthus est au milieu, pourquoi veux-tu qu'il achète? Bah oui, ça lui appartient au fond. Ça lui appartient déjà, puisque tout est à lui. Et donc, pas tout, mais Disneyland, disons. Et ça se trouve au milieu de Disneyland, c'est bien. Mm. Et donc, à un moment donné, il y a toute une logique qui se met en place. Et là, il y a les moyens. Mais il y a les moyens de la loi et les moyens de l'argent. Donc, on ne peut pas... Moi, je ne l'attaque pas, puisqu'il est capitaliste, il fait son boulot. Le problème, c'est qu'au niveau collectif local, on a bloqué toute l'énergie d'autres choses et que le lien entre le public, le privé et l'associatif pouvait inventer des choses. Mmh. Et à un moment donné, je dirais ce qu'on a dit dans une formation, un expert est venu nous dire dans une formation développement dans les années 90, c'est le tourisme ou la misère. Voilà, c'est tout. Et le tourisme, c'est les investisseurs. C'est clair. Donc depuis 1990, voilà, on en a un qui vient nous dire comment il faut faire, on va le faire. Tu connais, c'est en anglais, il n'y a pas d'alternative, Thatcher? Ah oui, oui. Hein, c'est ça un peu, c'est cette ça, phrase. Hein. Oui, et donc on est arrivé, oui c'est ça. Et donc, c'est le tourisme ou la misère, il n'y a pas d'alternative. Et donc, oui, c'est ça. Et donc les gens me demandent, mais comment est-ce que tu peux encore vivre là? Je dis... il faut lire le Capital et son espace. Donc, si je vais autre part, dans une zone où on ferme les usines, c'est le Capital. Donc, que je change de place ou pas, je suis dans le Capital et je ne suis pas autre part. Mm. Voilà. Et donc, pourquoi changer? C'était quand même moi qui étais là le premier, je suis né là quand même. Et pourquoi est-ce que c'est moi qui dois partir? Tu vois, donc je ferai peut-être comme Geronimo bientôt, avant mes photos, quand le petit train passe, mais c'est possible. Excellent. Voilà. Bon. Merci, monsieur X. Hein. Vraiment, merci beaucoup, parce que c'est riche, quoi, d'histoire, vraiment, ouais. Vraiment, il faut se rappeler, enfin, c'est oui. Super important, mais on va encore parler. Hein. C'est inscrit dedans, quoi, si tu veux. Donc c'est ça qui est... Ben, on va aller boire un verre.